Le podcast de Mini Moelcar numéro 4 avec Aristide Portagu. Bonsoir, il est 23h45, pas encore hier, mais un quart d'heure avant demain. Tu veux des excuses, auditeur ? Eh bien les voilà, désolé, nous avons tardé. Notre auteur a des circonstances atténuantes, mais tu t'en fous. Un événement familial qui lui prend beaucoup de temps. Non, rien de grave, rassure-toi, c'est même le contraire. Une naissance. Du coup, la nuit, il n'est plus très frais. Résultat, c'est nous qui payons. Alors, désolé, voilà. Tu t'es impatienté, hein ? Plus de nouvelles de la Pamukkali ? Eh bien, c'est faux. Il te suffisait d'aller sur le blog des chroniques. Tu aurais remarqué que Julien Morino a continué son boulot de reporter, que sa chère Ursule est revenue, et que nous avons accueilli pour la première fois Eugène avec un texte tout à fait original. Eugène, c'est l'auteur du guide de la Pamukkali. Mais bon, quatrième au podcast d'or de la langue française, il n'y a pas de quoi non plus. C'est pas mal, ça, ouais. On est assez fiers. Bon, trêve de plaisanterie en carton. Voici le menu de ce numéro 4 du podcast de Minuit moins le quart. La découverte de la Pamukkali continue avec un entretien en Skyplex, puis, avant qu'il ne soit largement demain, le reportage de Julien Morino sur les traces des autonomistes du Rouxin. Mais tout de suite, le réel concret du quotidien d'aujourd'hui, d'Annabelle Tiramba. Plongée dans le réel concret du quotidien d'aujourd'hui avec Annabelle Tiramba. Bravo pour la quatrième place au podcast d'or. Merci. Mais c'est grâce à votre collaboration, ma chère Annabelle. Et à celui d'Albert aussi. Tout le montage, c'est une sacrée boulot, faut le dire. Celle d'Albert est un sacré boulot. Mais c'est qu'est-ce que j'ai dit, non ? Ce que j'ai dit. Oui, bon, Alfie est pour beaucoup, je veux dire, c'est ça. Mais oui, Annabelle, il a bien travaillé. Je suis d'humeur à le reconnaître aujourd'hui. Et qu'a-t-il commis comme reportage ce mois-ci ? Il a trouvé une manifestation contre les journalistes, vous allez entendre. Donc nous sommes en direct de la manifestation pour moins de micros dans les manifestations. Alors nous avons Georgetta en face de nous qui participe à cette manifestation. Georgetta, bonjour. Bonjour. Oui, elle met un peu de difficulté à répondre. C'est vrai qu'elle est très occupée à manifester et à attendre des grandes banderoles à travers de la route pour empêcher les journalistes de passer. Donc nous allons essayer de nouveau de lui tendre notre micro. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'une manifestation pour moins de micros dans les manifestations, et je peux imaginer que c'est justement notre micro peut déranger légèrement la personne que nous tâchons d'interviewer. C'est tout ? Oui, enfin, c'est-à-dire, la suite devenait assez violente. Alors, Alf a préféré faire un peu le censure. La censure. Mais pourquoi vous me corrigez tout le temps ? Annabelle, nous sommes quatrième au podcast d'or de la langue française, je vous signale. Ouais. Bon. Voyons si Morino a plus de respect que vous pour la grammaire et la syntaxe. Plongez dans le rêve concret du quotidien d'aujourd'hui, vous êtes présenté ce soir par la pharmacie Polomé, votre pharmacien de proximité. Tamiflu, suppositoire d'anitroglycérine, saignée, homéopathie, vaccination et OGM. Avec Polomé, la grippe aviaire n'a qu'à bien se tenir. L'actualité pamoukale, c'est en ce moment le rapt de la tortue d'Andrune, Kaboutine, le plus célèbre joueur de roue-chou du pays. Souvenez-vous, Julien Morino nous en parlait le mois dernier. Les autonomistes du Rouchine, qui semblaient au départ être de joyeux plaisantins, se révèlent en réalité de dangereux activistes soutenus par des mouvements étrangers dont on connaît les intentions belliqueuses. Appelons tout de suite Julien Morino en Skyplex. 2-1-4-4-5-8, 2-1-4-4-5-8. Bon, Alf, t'y arrives ou... Allô ? Oui, bonjour, Aristide. Ah, Julien, comment ça va ? Vous avez retrouvé Ursule ? Oh, je l'avais jamais perdue en réalité, mais elle a dû partir à Scrum pour faire un examen, et puis bon, c'était un peu difficile d'être sans elle, enfin, elle est revenue. Bon, tant mieux. Et vous, vous passez encore les portes ? C'est quoi cette insinuation ? Bah, quatrième ou podcast d'or de la langue française, ça permet de soigner votre ego, non, chef ? Oh, vous pouvez être aussi fier que moi, mon petit Julien. Allez, passons aux choses sérieuses. La situation est particulièrement tendue dans le Rouchine en ce moment, n'est-ce pas ? En effet, en prolongement des informations que nous vous donnions dans notre podcast du mois passé, à propos de l'existence d'un mouvement autonomiste du Rouchine, il apparaît aujourd'hui que ce groupuscule dispose de relais étrangers. Pour rappel, le 30 août dernier, les autonomistes rouchinais on fait parler d'eux en ridiculisant le ministre de la Sécurité pamoukale avant de le laisser nu en pleine campagne après l'avoir kidnappé au beau milieu du marché traditionnel aux tortues à Rouchinaz. Ils ont par contre conservé en otage une tortue centenaire, propriété du célèbre joueur de roue-chou Androun Kaboutine. Et on est toujours sans nouvelles de cette tortue que les brigades spéciales de la police pamoukale recherchent sans relâche dans tout le pays. Selon les documents secrets auxquels les chroniques ont eu accès, les autonomistes rouchinais seraient en contact étroit avec le Front de Libération des Nains de Jardin. Derrière cette association aux apparences comiques se cachent en fait de dangereux individus actifs dans de nombreux pays. Il semble en particulier que le groupe Bélier, la branche armée des autonomistes du Jura suisse, soit mêlé aux activités du FLNJ. Ces groupuscules rompus aux techniques de la guerre des nerfs semblent avoir trouvé un nouveau terrain de jeu dans le Rouchine. Et selon une information que nous n'avons pour l'instant pas pu vérifier, il semble que des instructeurs du FLNJ soient en ce moment même en train d'apprendre aux jeunes recrues désœuvrées de la région les méthodes de déstabilisation et de terreur qui leur permettront d'arriver à leur fin. Justement, Julien, quelles sont leurs fins à ces autonomistes ? Est-ce qu'on les connaît ? Oui, on en connaît désormais un peu plus sur les intentions de ces autonomistes rouchinais. Comme nous le disions déjà le mois dernier dans notre podcast, la majorité des Rouchinais sont plutôt pacifistes et ne désirent pas que leur région se sépare de la Pamoukalie. Mais il semble que les kidnappeurs de la tortue de Kaboutine fassent partie d'une frange extrémiste du mouvement autonomiste rouchinais, le MAR, et que malgré les déclarations de la direction du mouvement niant toute implication dans cette affaire, il semble que les ravisseurs fassent bel et bien partie de ce mouvement. L'enlèvement a été laconiquement revendiqué par un certain groupe RGR au soir du 31 août dernier, c'est-à-dire le lendemain du forfait. Le message disait ceci: rendez-nous le Rouchine et nous vous rendrons la tortue. Ce groupe RGR, inconnu jusqu'ici des services de sécurité et de la presse, a fait parvenir récemment à la rédaction du journal local Rouchinaz Nova un nouveau message que nous avons pu obtenir. C'est là que commence votre reportage sur les traces du RGR, Julien. Nous allons immédiatement découvrir cette fascinante aventure. Rouchinaz, le 17 octobre 2005. Rédaction du journal local Rouchinaz Nova. Le rédacteur en chef vient de recevoir dans une enveloppe en papier kraft une cassette contenant le message suivant. För påloppet där så var mannen till jeten från Kors kapfåkri brutt, det var en medjat arvet. Trakar nur or tortu kabut. Arge ar vul de partilor sos quartantar botora total strangere notion. Forcul o cocotse de tiro flan governamin sebrit cem kebrit mosen kitrosin primal de genov octobril ad midnight. De larelu respectanul execut plan B. Arge ar. Il s'agit d'un message du groupe RGR que l'on peut traduire de la façon suivante. Les forces d'occupation du gouvernement illégitime et fantoche de Tibrit doivent cesser immédiatement de nous traquer ou nous sacrifions la tortue. RGR exige le départ sous 48 heures de tous les étrangers en Chine. Outre les forces d'occupation, tous les fonctionnaires du gouvernement central de Kibrit doivent avoir quitté le Rouchine avant le 19 octobre à minuit. Si ce délai n'est pas respecté, nous mettrons en exécution notre plan B. Mon sang de journaliste et mon instinct de reporter ne font qu'un tour. Je dois me lancer immédiatement sur la piste de ces mystérieux ravisseurs de tortues et comprendre ce qu'est vraiment le RGR. En route, direction les montagnes, au nord de Skroom. Brum, le 19 octobre. Je suis arrivé hier soir dans ce village du bout de la route. Il y a un seul café. Et le patron a une seule chambre. Elle était libre, heureusement. Comptant sur ma chance, j'annonce dès mon arrivée que je suis un journaliste étranger et que je cherche à entrer en contact avec des membres du RGR. On verra si le poisson mord à l'hameçon. Début de soirée, le café est plein d'habitués. Je suis au bar devant un verre de poucaille. Un grand type, les cheveux hirsutes et la barbe de 3 jours, tout de noir vêtu, s'approche et il m'aborde. Je vous reviens à Ardjar. Ardjar. C'est à moi que vous parlez? Pardon, c'est pas justement moi? Dovjoujou. Laconiquement, il cite le RGR et me demande de le suivre dehors. Une voiture nous y attend. Je distingue un chauffeur. Et c'est tout. L'homme qui s'était placé derrière moi me passe un bandeau sur les yeux, me fait grimper dans la voiture et nous partons. Le voyage dure une quarantaine de minutes, et puis nous nous arrêtons. Je n'ai pas la moindre idée d'où on peut se trouver, et c'est là que commence une marche interminable, les yeux bandés. Allez, aïe, aïe. doucement. J'en peux plus. Ouais, ouais. Encore loin. Nous sommes en pleine montagne, ça grimpe énormément, et l'homme, sans ménagement, me pousse ou m'arrête lorsqu'il a décidé qu'une petite pause s'imposait. Osbor? Près d'un ruisseau, il me fait boire de l'eau fraîche. Nous devons être en altitude. La marche se poursuit pendant plusieurs heures. Les yeux bandés, je trébuche souvent sur les pierres du sentier que nous empruntons. Mais l'homme me retient et me remet régulièrement sur le chemin. Bonjour. Un souffle frais. Une chute d'eau fait un bruit assourdissant. Nous sommes probablement à proximité d'un glacier. Excusez-moi, y a quelqu'un ? On peut m'enlever ce bandeau ? On y va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et le RGR, mais... Allez, enlevez-lui son truc sur les yeux. Oh non, mais... En fait, non, mais... Elle est pas belle, notre surprise. Allez, champagne, mon petit Julien. Ah, vous devez admettre qu'on vous a bien eu sur ce coup-là, Julien Morino. Oui, En attendant, on sait toujours pas où est passée la tortue. Non mais au fond, on s'en fout. Mais j'y crois pas. Et à quoi je sers, moi? À assouvir les délires de notre auteur, rien d'autre. Faut résigner, mon petit Julien. Prenez exemple sur moi. Bon, chef, je crois qu'on va... Je vais couper, là. Hein? On se rappellera quand vous aurez moins fumé. Oh là, plus souple, hein. La fiction ne vous autorise pas à me manquer de respect. C'est ça. Au revoir, au revoir. Il est vexé, le pauvre chéri. Bon, allez. Il est déjà largement demain. Je vais vous laisser. Voilà. C'est la fin du podcast de 23h45, numéro 4. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et avant de vous laisser reprendre une activité normale, je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez. Regardez. C'est la fourre en moumoute de notre iPod. Reçu l'autre jour par la poste, si. Grâce à notre 4e place au podcast d'or, hein. Pas mal, ça jette. Pur cuir de vache léopard, la classe. Allez, à bientôt.